Je suis trop un vrai comptable. Super gens qui testent attaque sur tous les plans. Ouais, ouais, ouais, désolé, j'ai déjà bouffé. Ouais, ma part de déception, que je baisse ma garde, laissez tomber. J'suis trop méfiant et à jamais je resterai. Ouais, de la race des méchants. Eh ouais, ha ha ha ha. J'suis trop infréquentable. J'suis trop insupportable. J'suis trop infréquentable. J'suis trop insupportable. J'suis trop infréquentable. J'suis trop insupportable. Trop, trop, trop, trop infréquentable. Quoi le keuf, aka, ouais le H sexuel. Tu veux que j'retire, ouais ce titre qu'a offensé. Ces gens-là et faibles, et que je leur fasse du violoncelle avec des airs révérentiels pour avoir une vie plus belle. Laisse tomber, et ouais, je reviens avec mon lance EUL. Vu que ma mort préméditait de tous vos M's en échoué, ouais, c'est ça, faut-il du move quand c'était vos stars humaines. Artificiel, moi qui brise sur vos problèmes. J'suis trop infréquentable, j'suis trop insupportable. J'suis trop infréquentable, j'suis trop insupportable. J'suis trop infréquentable, j'suis trop insupportable. Trop, trop, trop, trop infréquentable. Une chose est sûre, dans mon destin y'a ceux qui rentrent et qui restent pour la vie. Y'a ceux qui rentrent et qui ressortent, ouais plus vite qu'ils sont rentrés. Désolé, j'suis trop entier. Quoi mon pote, il faut que j'accepte ton amitié après ton test de PD. Désolé, j'suis l'ami de mes amis, ouais l'ennemi de mes ennemis qui tentent le tout pour le tout pour ma patte. Wesh les gens irréprochables, et ouais c'est clair comme de l'eau potable que je mangerai pas à vos tables. Et ouais c'est race la fréquentable.